Théophile Gautier, Rocaille. Connaissez-vous dans le parc de Versailles une naïade, œil vert et seins gonflés? La belle habite un château de rocaille. Est ouvert, miculé. Sur les coraux et sur les madrépores, toute l'année elle dort dans les joncs, dans le bassin, les grenouilles sonnent, chantent en chœur, les fourmis le plongeon. La fête vient, la conquête naïade, si veillant à et rajuste ses nœuds, se peine et met ses habits de parade et des roseaux plus frais dans ses cheveux. Elle descend l'escalier et s'habille en flou d'argent sur les marches la suit. La roi d'État attrape blanche et bleue à chaque pas derrière elle. Bruit